ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Les cons qu'il y a là, et c'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Je sais pas si la musique est de rigueur, hein. Je pense qu'il faut arrêter avec cette musique. Hein. C'est quoi la musique de Villeneuve d'Ascq? Est-ce que quelqu'un le sait, l'entrée des joueurs? Ah, on l'a! On va te la trouver! On l'a? Ouais. C'est quoi, vous vous rappelez? C'est un truc je connu, sais plus, un peu. Mais on va te le mettre là. Oui, le temps que fout, le temps que Paul qui sont ça. Champions de France, personne sait ce que c'est. Enfin voilà quoi. Alors que tu l'as, Paul? Allez, Polo, envoie, fais-nous rêver. La musique d'entrée des joueurs, voilà. Au Stadium Lille Métropole. Ah. C'est l'attaque des gardes. Merci. Ça tombe bien, je pouvais pas y aller de toute façon. Donc, alors Lille qui est champion, mes amis. Et oui, c'est. Tu te rends compte que c'est quand même le week-end parfait pour les Lillois parce que Lille fait le doublé. Lens va en D2, c'est quand même c'est sympa. Et Martine Aubry vient d'être la seule candidate possible pour le Parti Socialiste. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même quand t'es lillois, c'est quand même la fête du string. Hein, Martine Aubry. Non, Martine Aubry, faut quand même. Elle a le triomphe modeste parce qu'elle a été très modeste sur la victoire lilloise. Elle a été très modeste sur l'affaire DSK. D'ailleurs, elle l'a même soutenue. Elle a dit je ne comprends pas cette histoire, je n'y crois pas. C'est vrai qu'il a jamais essayé de l'agresser. Hein, c'est un malade sexuel, mais c'est pas un aveugle non plus le mec. Donc il a. Faut pas déconner. C'est sûr qu'elle comprend. Pas, elle a dit mais moi je comprends pas, j'ai jamais rien fait, moi j'ai toujours passé à côté de moi, elle m'a dit bonjour puis se barre. Bref, donc Lille n'est pas forcément champion d'après, enfin c'est pas d'après Daniel, c'est d'après un auditeur. C'est vrai que il faudrait d'après Aurélien Chedjou qui. Oui, non mais Aurélien Chedjou, il est fan du FC Porto, ce type n'a pas toute sa tête. Donc, ceci dit, on l'aime beaucoup. Et donc, si Marseille, il faudrait que Marseille gagne 8-0 à Valenciennes, genre limite qui s'arrange avec Valenciennes. Alors, excusez-moi, non, Marseille qui s'arrange avec Valenciennes en fin de championnat. Non, oh, monsieur. Non, c'est pas le genre de la maison. Enfin, je veux dire, il y a aucune raison que ça se passe. Ou alors vraiment pour fêter les 15, 10, 20, 18 ans, je sais plus. Non, c'est vrai, je trouve ça assez minable voilà. Le Paris Saint-Germain qui nous a encore fait plaisir, le PSG et son fameux donc Baebek hein qui a été mis donc le coup de poker d'Antoine Camboré, Baebek. Un tout droit de plus hein, le fameux. Donc c'est dommage, il est binational. Non parce que c'est dommage, on n'a pas mis le truc de Blackar, c'est trop tard ou on peut encore le mettre le truc pour éviter ce genre de type. Je sais pas, moi je pense qu'on peut encore rattraper Blackar, c'est pas trop tard. L'arbitre qui a changé, ça a été bien parce que l'arbitre a changé, donc du coup c'était bien pour le Paris Saint-Germain qui a quand même perdu. Moi je me demande c'est qu'est-ce qu'il faut comme arbitre. Je pense que même avec Daniel Riolo comme arbitre, on n'en gagnait pas ce soir. Hein. Au moins on aurait rigolé parce que j'ose pas imaginer le mec qui conteste une décision de Daniel Riolo. Alors lui, je pense que lui il est dans la merde. Lui je pense qu'il oserait même pas. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était magique. Et puis j'ai appris quand même que au niveau des transferts, il y a un joueur de Ligue 1 qui va partir peut-être à Manchester United. Je sais pas s'il regarde les matchs avec Ferguson ou alors il picole 3 avant. Et en plus, c'est un joueur de Lens. C'est le gardien Véran, le gardien lensois là. Non, c'est pas Vedran hein. De pas confondre avec Vedran. Le vrai gardien lensois, c'est Vedran. Oui. Parce que c'est le stopper. Hein. Donc oui. Derrière lui, il y a personne. Tu peux considérer que le mec, il est tout seul. Hein. Parce que Vedran Rougnou, c'est Shaolin Soccer. Hein. Il tape dans les mottes de terre, dans les poteaux. Mais il touche pas le ballon. Trop de respect pour le cuir. Je pense qu'il a des actions chez Morabito ou chez Jean-Claude J3. Il aime le cuir, pleine fleur, la belle vache. Même si lui, il est plutôt blanc. Il est là, Roland, encore. C'est plutôt une chèvre. C'est plutôt une chèvre qu'une vache, lui, qu'il aime comme cuir. Mais voilà. C'est spécial donc, Roland, celle-là. Ah non, mais attends, non, Vedran. Ça, je demande s'il est encore là. Ah, Vedran, il est là. J'écoute, t'inquiète. Ah, donc, du coup, le mec, il est gardien qu'avec les pieds, donc 53 buts, c'est quand même pas mal. Hein. Bravo à Varane, donc il va remplacer sûrement Van der Sar. L'ACR Lavignon, donc qui va battre le record de Grenoble. Qu'on pensait vraiment une équipe nullissime l'an dernier, et ben non, il y a plus mauvais, ils vont pas réussir à faire mieux que Grenoble. L'ACR Lavignon qui malgré tout est à ses supporters derrière lui parce que ils ont continué de chanter ACR Lavignon, ACR Lavignon. Ils l'ont chanté pendant tout le match et ça prouve qu'ils sont derrière leur équipe, ça fait plaisir. Alors on a OL Land, vous avez vu que Chantal Joanneau elle est là, putain, mais dès qu'elle arrive, hop ça enchaîne les projets. Allez, OL Land, la Ryder Cup. À la Ryder Cup, c'est parti. OL Land, c'est parti. L'Euro, c'est parti. La France va passer le Ghana. À mon avis, c'est obligé. Avec Chantal Joanneau. Je peux te dire que, en même temps, je compte plus sur Henri Guénaud. Pour ce genre de truc. Mais, En tout cas, je peux dire que et qu'ils ils sont pas prêts de revenir chez nous, les mecs. En tout cas, qu'ils essayent pas de passer la frontière parce que, enfin, j'en discute avec Gilbert en antenne. Le Ghana, ça va quoi. Ça, on a un peu les abeilles, donc doucement. Donc, Hoëlland, donc c'est un peu Disneyland, tu vois, t'as un peu le fantôme, t'as la maison hantée avec le fantôme de Juninho, t'as Gourcuff, un peu Blanche-Neige, je sais pas ce qu'il a bouffé comme pomme, mais il faudrait qu'il y ait un mec qui lui roule une galoche pour qu'il se réveille, par contre. T'as un peu, non, c'est sympa, t'as le capitaine Crochet, Chris, hein, il a tout crocheté, lui, cette année. Le premier qui passe, c'est crocheté. Allez hop, c'est parti. Sauf que ça, surtout que c'est le château de Cendrillon, parce que ils sont tous les pieds en verre, et ça ressemble de plus en plus à une citrouille, leur carrosse, hein, mais bon, enfin bon, bref, en tout cas, Hoëlland, ça nous ferait plaisir. Ce soir, la finale à Dublin. Alors tu en parlais, Nicolas, c'est un peu con. Entre deux clubs portugais, ils auraient pu jouer à domicile, hein, à Créteil. Franchement, c'est qu'on en parlait en antenne avec des potes. C'est dommage. Et c'est ce qu'on s'est dit, c'est des putains. Ils sont allés faire ça à Dublin, on aurait fait ça à Duvauchel. Mais ouais, franchement, ou à Saint-Maur, ou à, je sais pas, n'importe où dans le 94. Tiens, c'est un championnat que tu dois suivre, ça aussi, tiens. Championnat de, non, bah, enfin, bon, moi, je trouve ça un peu dommage. L'Europa League, il y a donc la révélation, avec Hulk. Qui donc, tu trouvais que c'était dommage qu'il vienne pas à Marseille? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas non c'est qui disait ça? Personne. C'est parce qu'il trouvait qu'il n'était pas en championnat, qu'il fallait qu'il vienne en championnat de France. Ah, comme ça. PSG, Gilbert, voilà, merci Gilbert d'être là. Hulk, sachant quand même qu'à Marseille, ils ont les quatre fantastiques, avec dans les buts, ils ont le mélastique, ils ont la femme invisible, avec Lucho González, et ils ont la torche humaine, parce que, avec Valbuena, parce que lui, il s'enflamme, hein, il fait une demi-action, et la chose, avec André-Pierre Gignac, sachant qu'à une époque, ils avaient un X-Men avec Brandao, mais depuis qu'ils ont porté plein de contre X, il s'est barré, il est retourné chez lui, au salon du X. Donc voilà. qu'est-ce qui me restait oui alors Lyon vous avez vu que Vercoutre a essayé de mettre un coup de boule à Bayes, à Paul Bayes. C'est que Vercoutre, c'est quand même le mec qui était pas dans le match, il avait rien à voir. Donc le mec, il arrive, il s'énerve, il veut mettre un coup de poule à Paul Bayes. T'as vu la tête de Paul Bayes, déjà pour lui trouver la tête à travers les cheveux. C'est, sa coiffure, c'est un bol de carbonara, gorgonzola, mascarpone, tu sais pas. T'as plus de chances de perdre la tienne que de trouver la sienne. Mais bon, il a essayé de lui mettre un coup de boule, sachant que Rémi Vercoutre a été pendant longtemps la doublure de Grégory Coupet. Maintenant, il est la doublure de Lloris. Je pense qu'il pourrait, vu son niveau, être la doublure de Rougné assez facilement. Son cerveau devient officiellement aussi la doublure de celui de la poulet d'aile. Donc, si, je demande où il se situe un petit peu, Rémi Vercoutre. Enfin, bref, bon, bref, si ça l'amuse, hein. Le boss, c'est quand même que Paul Bay, je sais pas comment il fait, à mon avis, lui, quand il se rase, il doit prendre une machette, un GPS, tu vois, c'est un peu collant, ça, quoi. Donc. Mais bref. Chanson! Déjà? Bah, il reste 3 minutes. Ouais. Ah, bah, d'accord. Bah, écoute, j'avais pas une dernière connerie. Alors, ce soir, pas de chanson, signée Kazar. Mais donc, des chansons envoyées sur ta boîte. Oui, mais alors, à toi. Arrête de bailler, souvent, Daniel. Elle chante moins bien, celle des autres. Non. Mais c'est pas lui qui les chante, on va les écouter. Daniel, c'est que là, j'ai quelques auditeurs, mais alors, talentueux, je vais pouvoir bientôt prendre ma retraite. Puis ça me fera des vacances. André Pierre. Non, c'est pas le nom de l'auditeur, hein. Il devrait être auditeur plutôt que joueur, lui. C'est André Pierre Gignac. Qui, un hommage de la part de Julien. C'est une très belle chanson. Allez Didier, sauve André Pierre. Ça fera plaisir aux supporters. Pour la cacarde et Loïc Rémy, il sera capable de marquer lui. Hey, ce soir on fête l'anniversaire, yeah, de sa crève de pied André Pierre. À droite et gauche il est ravi. Il a eu les mêmes que Xavi. 18 millions à rembourser. Yep, yep. L'OM s'est vraiment fait enfler. On remercie le TFC. Maintenant Dédé veut nous faire croire qu'il a maigri. On peut plus le vendre au mercato. Le voilà. C'est lui André Pierre. Un régime plus gâteau. Plus de bouteilles de bière. Le matelot fait la gueule. Il en a plus envie. Il peut vivre sans pain et sans salami. Merci. Et voilà André. Elle est très très bien. Bravo. On pourra l'écouter en entier. Comment il s'appelle, l'auditeur? Sur le blog rtl.fr. Non, c'est pas celui-là. Enfin bref. Comment il s'appelle, l'auditeur? Il s'appelle Julien. Bravo, un Julien. Très beau prénom. Alors maintenant, on a un Emeric, hein, visiblement, qui est donc sûrement un supporter ou de Brest ou du Stade Rennais. En tout cas, un mec a dû s'éclater cette année en fin de saison. Qui a une chanson sur notre ami Apoula Edel. Allez. Asseoir sur le banc, tout le match avec Antoine. Parler à Camboire et qui est là. Montrer le gardien titulaire que je vois, mes envies de gants sur mes doigts. Hyper bon. Voir entrer le ballon entre ses deux poteaux, le voir faire des arrêts pour de faux. Et entendre l'arbitre qui valide les buts, ne peut-on pas le sortir sur blessure? Les fantasmes sur l'idée qu'il arrête un péno, un arrêt fabuleux. gardien décisif dans un rêve, c'est bien beau, mais pour être très franc, Apoula s'est perdu. Magnifique. Bravo. C'est superbe. C'est lui déjà qui a fait la chanson sur Lloris. Celle de Lloris, elle était magnifique. Un spécialiste des gardiens. Ah, Emeric, bravo. Bravo, Emeric. Et puis, on a pour finir Fabien. Le petit Fabien, qui est attendu par sa maman au Monoprix, qui nous a chanté une chanson magnifique. Je sais plus sur qui c'est. Ça s'appelle On a tout foiré. Là, c'est parti. Sur Bordeaux. Dire qu'on était champions avec un super jeu. Maintenant, Arlavillon, faut l'avouer, c'est bien mieux. Tigana en martyr, on n'est pas en milieu. On a tout foiré. On a tout foiré. Le recruteur manque. On a tout foiré. Les joueurs de talent. On a tout foiré. Le galop. On a tout foiré.